Idée. Une émission proposée par Benoît Ruel. Seconde partie. Et je suis toujours en compagnie de Daniel Lindenberg, historien des idées et professeur de sciences politiques à l'Université de Paris 8 et membre du comité de rédaction de la revue Esprit qui, 7 ans après son enquête sur les nouveaux réactionnaires qui avaient déchaîné les controverses, titre de cet essai Le rappel à l'ordre en 2002, publie au Seuil Le procès des Lumières. Je vous résume la thèse de mon invité. Le grand retournement idéologique qu'il avait identifié au Seuil des années 2000 en France s'inscrit désormais dans une mondialisation des idées caractérisée par la montée des révolutions conservatrices un peu partout dans le monde. Retournant les Lumières, nées au XVIIIe siècle contre elles-mêmes, à l'instar de leurs illustres devanciers des années 1930, les champions de cette violente réaction œuvrent au recul de la rationalité et flatte des conceptions autoritaires et parfois racistes de la vie collective. Sous les apparences du mouvement, voire de rupture, ajoute Daniel Lindenberg, c'est toujours une haine sourde de la modernité et de la démocratie qui unit ces champions de la réaction et constitue le fond de leur programme. Encore un mot pour vous signaler que la revue Esprit, à laquelle collabore étroitement Daniel Lindenberg, consacre le dossier de son numéro août septembre 2009 aux Lumières, précisément, titre de ce dossier Refaire les Lumières, point d'interrogation. Daniel Lindenberg, alors nous allons parler de la France dans un instant, parce que si la révolution conservatrice est mondialisée, il y a des sous-catégories, et ce qui se passe chez nous, évidemment, vous intéresse, nous intéresse en priorité, si je puis dire. Mais enfin, votre essai le dit bien, la révolution conservatrice, aujourd'hui, c'est une catégorie planétaire. Oui. D'ailleurs, je fais un petit retour sur l'expression, parce qu'après tout, nos auditeurs se demanderont peut-être, mais d'où vient cette idée, cet oxymore, hein, c'est-à-dire que c'est une révolution, normalement, c'est une révolution pour le progrès, pour l'émancipation, contre l'ordre établi. Alors que les révolutions conservatrices, c'est l'expression même est née entre les deux guerres mondiales, en particulier en Allemagne, où il y a eu un mouvement ainsi nommé, avec d'illustres penseurs, encore très lus aujourd'hui, comme Carl Schmitt, comme Oswald Spengler, même d'une certaine manière le philosophe Martin Heidegger est considéré par les bons spécialistes comme nullement étranger à ce mouvement. Et c'était justement des gens, et ça c'est une expression qu'on retrouve en France, parce que en France il y avait des gens qu'on appelle aujourd'hui les non-conformistes des années 30, qui, l'un d'eux, Jean de Fabrègue, je crois, parlait de révolution pour l'ordre. Révolution pour l'ordre. Et c'est très intéressant, c'est-à-dire que c'est une contradiction, une antinomie qui est assumée. Et donc, ce qui est frappant, c'est que les auteurs de cette révolution conservatrice, donc des années 30, ne sont nullement absents des classiques aujourd'hui lus dans le monde entier. Par exemple, je me suis aperçu que les nationalistes indiens, les hindouistes, ceux qui instrumentalisent l'hindouisme à des fins politiques, sont des grands lecteurs de Spengler. Ce qui est intéressant, c'est que ces idées ne sont pas toujours portées, loin s'en faut, par des personnages qu'on classerait, qui se classent même à droite. Vous rappelez par exemple que c'est le cas de Gordon Brown en Grande-Bretagne, Premier ministre. C'est le cas aussi du sociologue membre du Parti Socialiste aux Pays-Bas, Paul Schäfer. Enfin, ces idées conservatrices sont souvent, pas toujours, mais souvent portées par des gens dits de gauche. Oui, d'ailleurs vous me donnez l'occasion de dissiper un malentendu. Je parle de révolution conservatrice, effectivement. Je ne dis pas que c'est quelque chose qui reproduit le clivage droite-gauche, du moins le clivage partisan. Parce que, effectivement, les idées néoconservatrices, parce que justement, elles ont acquis le statut qu'avait le marxisme autrefois. Et je vous disais il y a un instant, lorsque le marxisme était vraiment dominant, il y avait même des gens de droite, des conservateurs, mais qui, par exemple, en économie, disaient le plan soviétique, c'est formidable, il faut s'en inspirer. Il y en avait même au CNPF, enfin c'est l'ancêtre du MEDEF actuel, des gens en France qui, etc. Bon, donc il faut bien tenir compte de ça. Quand une idéologie devient dominante, ça ne veut pas dire que tout le monde l'adopte dans son intégralité. On peut pas dire que Gordon Brown, je dirais pas cette sottise de dire que Gordon Brown est un révolutionnaire conservateur au pouvoir. C'est un travailliste, mais c'est un travailliste qui parle de la Britishness. C'est-à-dire du fait d'être anglais, l'espèce de nationalisme de repli sur l'identité nationale, comme on dit en France, on en parle beaucoup, qui est caractéristique. Et je vais pas faire comme ça, je vais pas personnaliser, mais on trouverait dans la gauche française pas mal de gens qui parlent d'identité nationale ou qui, sous couvert d'écologie, prônent finalement le retour au monde d'avant, pense que le monde d'avant c'est mieux que le monde d'aujourd'hui, et voilà, donc c'est profond. Alors on parle dans un instant de la France, mais encore un mot de votre tour du monde, si je puis dire. Alors évidemment nous n'allons pas évoquer tous les pays que vous scrutez presque à la loupe, mais enfin il y a plusieurs cas. Vous dites par exemple, pour le cas des pays de l'Est, l'URSS c'est tout à fait exemplaire. Vous dites aussi que la Chine est sans doute le principal, je vous cite, principal champ de bataille dans le monde où s'affrontent aujourd'hui partisans et adversaire des Lumières. Évidemment, vous vous intéressez beaucoup à l'Italie. Vous êtes d'ailleurs plus sévère avec l'Italie qu'avec l'Allemagne, parce que en Allemagne, dites-vous, on n'a pas assisté à une réhabilitation du fascisme comme on assiste, je vous cite encore, selon vous, actuellement en Italie, etc. Alors, si on devait retenir, pour inviter nos auditeurs à vous lire, quelques exemples précis. Vous allez nous parler de quoi ? De l'URSS, de la Chine, de l'Italie Bon, l'Italie, je pense que non, je ne vais pas en parler longuement, parce que l'Italie, c'est comme la France. Ce qui est surtout intéressant, c'est que les idées de la révolution conservatrice dans ces deux pays ont eu un débouché politique. En gros, c'est Sarkozy et Berlusconi, pour faire court, etc. Donc, ce ne sont pas franchement des hommes d'idées. Peut-être Sarkozy un peu plus que Berlusconi. Berlusconi, je vais y arriver, qui a d'autres préoccupations dans la vie que les idées. Mais il est certain que, par exemple, si je veux prendre un exemple, c'est vraiment la Chine. Pourquoi la Chine ? C'est parce que en Chine, à la fois, vous avez un mouvement qui s'est appelé, je suis pas sinologue, mais enfin, je me suis appuyé sur des ouvrages de très bons spécialistes comme Han Cheng, par exemple, qui est professeur au Collège de France, et qui nous explique effectivement que aujourd'hui il y a des gens en Chine qui défendent les Lumières, les droits de l'homme, etc., en s'inspirant, mais pas de façon effectivement pas de façon servile, des Lumières européennes. Et puis il y a des gens qu'on appelle parfois, qui s'appellent eux-mêmes des Burke chinois, c'est-à-dire qui s'inspirent de la célèbre critique d'Edmund Burke à la Révolution française et à ses idées, c'est-à-dire l'idée qu'il ne faut pas bousculer la tradition, il ne faut pas bousculer l'histoire d'un peuple, et qu'un peuple avance sans rompre avec son passé. C'est-à-dire, ça voudrait dire, par exemple, pour la Chine, avec le confucianisme, ou du moins ce qu'on appelle en Chine le néo-confucianisme. Enfin bon, ce sont des débats de spécialistes qui font d'ailleurs rage aussi en France, parce qu'on a François Julien et ses adversaires en France, etc. C'est pour dire que c'est des débats qui ne sont pas du tout tout secondaire, mais je pense que entre les partisans des Lumières chinoises, des nouvelles Lumières, comme on l'a dit dans les autour du mouvement de Tiananmen, hein, c'est-à-dire à la fin des années 80, au début des années 90, et puis l'humeur a un peu changé en Chine, sans que cette aspiration à des Lumières chinoises, je dis bien à des Lumières chinoises, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'imiter l'Europe ou l'Occident, mais il s'agit de trouver dans la tradition chinoise ou dans la tradition indienne, pour prendre le pays d'à côté où on développe le même type de débat, ce qui pourrait amener à universaliser les Lumières sans être dépendant de l'Occident. Et puis les gens qui disent non, il faut revenir à la tradition chinoise, ce sont les nouveaux nationalistes chinois qui sont très influents, y compris aujourd'hui dans le Parti communiste chinois, qui bien entendu n'est plus du tout marxiste. Daniel Lindenberg, avant d'en arriver à la France, encore une fois, quelques pays, vous parlez de l'Espagne, vous parlez du Japon, mais j'ai retenu pour ma part, parce qu'évidemment c'est essentiel dans l'actualité de tous les jours, Israël. Vous posez une simple question, mais qui entraîne de nombreux développements, vous dites, Israël est-il une république ? Oui, parce que c'est autour de cela que se déroule le débat en Israël. Alors en Israël, pour le dire très rapidement, parce que je sais qu'on n'a pas effectivement des heures pour dire, mais il y a premièrement là un cas d'importation du néoconservatisme américain, d'autant plus facile que beaucoup des gens qui animent ce mouvement, comme d'ailleurs le premier ministre israélien lui-même, ont passé de longues années aux États-Unis, dans les universités américaines, et donc il y a une étroite symbiose qui s'est établi entre eux et les néoconservateurs américains. Et d'autre part, vous avez en Israël ce qu'on a appelé le mouvement des nouveaux historiens. Le mouvement des nouveaux historiens sont des gens qui remettent en cause le récit national ou nationaliste israélien pour dire, par exemple, oui, la naissance d'Israël, c'est pas faite, c'est pas, n'a pas été idyllique. En réalité, il y a eu quand même expulsion des Palestiniens. On a largement poussé les Palestiniens à partir. Le problème des réfugiés n'est pas simplement un fait de la panique ou de la volonté des États arabes. Il y a eu un plan. Enfin bon, c'est un débat très vif entre historiens israéliens. Et ces nouveaux historiens ont dit que la façon d'en sortir, c'était d'une part de reconnaître ce qui s'est passé. Et ça me permet de dire que d'ailleurs, dans beaucoup de cas, vous avez cité l'Espagne et le Japon, donc c'est pas seulement en Israël, c'est la question de l'histoire qui est au centre des batailles que mènent les néoconservateurs ou des batailles qu'on mène contre eux. C'est-à-dire, ils veulent relire l'histoire, il y a une tendance. Alors, il se trouve qu'en Israël, puisque vous me posez la question à propos de ce pays, les révisionnistes ne sont pas ceux qui veulent revenir sur l'histoire, par exemple, antifasciste en Europe, et c'est le cas, mais ce sont au contraire des gens qui veulent ouvrir à une compréhension de l'autre, à dire, faut écouter le point de vue des Palestiniens. Et ça débouche sur le fait que il y a des gens comme par exemple Shlomo Sand, dont le livre fait beaucoup de bruit en ce moment, hein, son livre qui s'intitule de façon provocatrice Comment le peuple juif fut inventé. Mais il faut savoir que Shlomo Sand, c'est un militant pour une république israélienne, non pas seulement un État d'Israël. Le fait qu'on dise État d'Israël et pas république, c'est pas innocent, parce qu'une république, c'est la république de tous ses citoyens, alors que un mot simplement, les gens qui sont au pouvoir actuellement en Israël et les néoconservateurs de l'Institut Shalem sont des gens qui disent non, Israël est avant tout un État juif, c'est-à-dire un État ethniquement déterminé, et finalement, il peut avoir d'autres citoyens, mais finalement, il faut qu'ils acceptent d'être des citoyens de seconde zone. Oui, justement, j'allais vous faire remarquer que le fondateur de l'Institut Shalem, Yoram Hazony, qui a écrit l'État juif, sionisme, post-sionisme et destin d'Israël, ne partage évidemment pas cette idée. Pour lui, il refuse, comme il dit, aux altères juifs l'idée d'un pays, et il veut pas d'une société ouverte, au fond. Oui, il veut un État ethnique, un État avec une identité nationale et religieuse. Je ne vais pas entrer dans les problèmes difficiles de l'identité juive, mais enfin, en tout cas, lui et ses amis de la revue Controverse, puisqu'il y a une revue en France d'ailleurs fort intéressante, mais dont je combats absolument les idées à 100%, s'appelle Controverse, qui publie Yoram Hazony ou d'autres auteurs français ou israéliens, dont tout le propos est de dire que d'une part on est en guerre ouverte, ils se considèrent comme en guerre ouverte contre l'islam. L'islam, c'est le nouveau totalitarisme, c'est le fascisme du 21e siècle, et donc il faut que ça soit en France, en Europe ou en Israël, surveiller de très près ces populations islamiques qui sont potentiellement djihadistes, terroristes, etc. Ce qui me paraît effectivement un propos à la fois faux et dangereux. Alors, Daniel Lindenberg, dans cet essai, Le procès des Lumières, publié au Seuil, vous évoquez bien sûr la France, ou j'ai envie de dire le cas français. Vous dites par exemple que le président de la République, Nicolas Sarkozy, parle une langue politique qui est celle de la culture de droite la plus classique. Et vous évoquez notamment Charles Maurras, voire Maurice Barrès. Oui, ben ça c'est. Je me suis livré à une relecture des discours sur l'histoire tenu par le candidat Sarkozy pendant la campagne 2007. Je me suis aperçu avec surprise qu'il avait consacré une énorme place à cette relecture de l'histoire, que ce soit l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale et surtout l'histoire de la guerre d'Algérie, que ses conseillers comme Henri Guénaud ou Emmanuel Mignon, qui n'est plus sa conseillère mais qui à ce moment-là avait un rôle important, puisaient beaucoup dans, en particulier dans Maurice Barrès, c'est-à-dire l'idée de la terre et des morts, l'idée que finalement la France, d'une part, a une histoire dont elle n'a pas à rougir, mais ça c'est pas Maurice Barrès spécialement, mais surtout que la France a une culture enracinée et qu'après tout, les autres cultures qui viennent sur le sol français ont à faire la preuve qu'elles sont franco-compatibles. Mais notamment pour nos jeunes auditeurs qui ne savent pas vraiment ce qu'a écrit Charles Maurras ou Maurice Barrès. Est-ce qu'on peut dire au fond que le discours présidentiel actuel s'appuie sur, on dira, une idée nationale catholique ? Oui, d'une certaine façon, parce que il faut rappeler à ces jeunes auditeurs que j'espère nombreux près du poste que Charles Maurras était quelqu'un qui accordait à l'alliance avec l'Église catholique un poids tout à fait considérable, tout en étant lui-même un croyant. C'est-à-dire que je dis pas que le président de la République, pour moi, les convictions religieuses, d'ailleurs, c'est son domaine privé, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais quand on lit les écrits, ses écrits ou ses discours, comme les discours, les fameux discours du Latran et de Riyad en 2007, où il développe l'idée, par exemple, que la République a besoin d'un supplément d'âme que ne peuvent pas lui donner, que peut pas donner l'enseignement public. C'est là où il dit finalement l'instituteur a besoin du, on a besoin du curé parce que l'instituteur est insuffisant. Je ne me rappelle plus les termes exacts, mais l'idée, c'est absolument celle-là. Et en même temps, ce qu'il croit lui-même philosophiquement reste une énigme du point de vue religieux, hein, du point de vue de sa philosophie religieuse. Mais si on prend un certain nombre de ses interventions, on voit qu'il croit qu'il y a des criminels nés. On voit qu'il croit que l'homosexualité est héréditaire, que c'est dans les gènes, etc. Et un certain nombre de problèmes. Ils croient que qu'on peut pas sortir d'une culture, que une culture vous détermine, etc. Et qu'il y a ça, ce sont des idées du 19e siècle qui avaient été plus ou moins quand même invalidées par le freudisme, toutes les sciences sociales, dont il a l'air absolument de faire litière de tout ça. Rapidement, Daniel Lindenberg, car j'ai encore plusieurs questions à vous poser. Emmanuel Mounier, un homme que vous connaissez bien, puisqu'il a fondé la revue auquel vous participez, la revue Esprit, voulait dissocier le spirituel du réactionnaire. Bon, vous dites que ça n'est plus de saison. Mais quel rôle joue là où les religions, enfin le phénomène religieux, dans la montée des révolutions conservatrices aujourd'hui ? Eh ben, d'un mot, je dirais que c'est pas ce qui joue un rôle. C'est pas la montée de la foi, c'est pas qu'il y a plus de croyants qu'autrefois ou plus de pratiquants. Il y en aurait, d'après les enquêtes sérieuses, les enquêtes de terrain, que certains intellectuels méprisent aujourd'hui, ce que j'appelle les nouveaux réactionnaires, ils balayent comme ça d'une main preste toutes les données des sciences sociales, parce qu'ils ont la science infuse, ils savent que en réalité, justement, on peut pas dire qu'il y a une montée du religieux, on peut dire qu'il y a une montée de l'instrumentalisation politique du religieux partout dans le monde. Alors, vous parlez peu de l'Afrique dans votre essai, mais vous en parlez quand même. Dois-je comprendre que le continent échappe à la révolution conservatrice que vous dénoncez ? Parce que le continent, on le voit bien, et notamment si on écoute Radio France Internationale, est en train de subir de plein fouet un retour du religieux, précisément. Quand ce n'est pas un retour du folklore religieux, j'ai envie de dire de la superstition. Et par ailleurs, il n'est peut-être pas certain que les théories de la négritude soient complètement obsolète en Afrique. Oui, alors vous me donnez l'occasion, et puisque justement nous adressons, je le sais ici, à un auditoire largement africain, et je voudrais dire donc à ces auditeurs que c'est peut-être faute de connaissance, faute d'avoir développé suffisamment l'enquête, dans des travaux ultérieurs, j'espère pouvoir le faire, ou dans des articles, mais ce qui m'a frappé, c'est que justement, vous parliez des théories de la négritude, c'est-à-dire en particulier chez Senghor, mais aussi chez Césaire, etc. L'idée même de la négritude, c'est une idée, il faut qu'on le sache, qui a été forgée dans les années 30, non sans rapport avec les idées de la révolution conservatrice, en particulier allemande, puisque il y a deux noms ici à prononcer, c'est le nom d'un ethnologue qui s'appelait Frobenius, etc., auquel Senghor a beaucoup, sur l'âme africaine, sur l'âme, l'esprit africain, auquel Senghor a beaucoup emprunté, et puis Spengler, qui était aussi, dans sa grammaire au fond des civilisations, a été beaucoup utilisé. Et moi, j'ai vu, alors je le dis pas assez, mais je crois que je le dis quand même fugitivement dans mon livre, il y a des gens comme Achille Mbembe, par exemple, qui a écrit un livre retentissant qui s'appelle de la post-colonie, qui veut rompre, Achille Mbembe, je crois, a forgé un mot, l'afro-politianisme, etc., pour dire justement que les Africains devaient s'inspirer des Lumières ou développer leurs propres Lumières. Ça, c'est une chose qu'il dit, et je crois que, même si je le dis pas assez, il est évident pour moi que le combat a lieu en Afrique aussi, d'autant plus, un dernier mot là-dessus, vous parliez des superstitions et du folklore, que beaucoup de régimes africains utilisent justement les superstitions ou des bricolages religieux pour asseoir leur pouvoir. De même que, par exemple, à Haïti, autrefois, la famille Duvalier utilisait le vaudou. Dernière question, Daniel Lindenberg. Les néo-conservateurs, enfin la révolution conservatrice, s'attaque finalement aux Lumières, c'est ce que vous nous expliquez, mais tout de même, est-ce qu'on ne pourrait pas, pour être totalement juste, intellectuellement juste, attaquer d'une certaine façon la radicalité aussi des Lumières ? Est-ce qu'on ne devrait pas incriminer la radicalité des Lumières d'une certaine façon ? Si on entend par radicalité des Lumières l'idée que les Lumières doivent être exportées comme elles ont été dans le colonialisme français d'une certaine façon, avec des effets d'ailleurs variés, parce que beaucoup de nationalistes, par exemple au Maghreb ou en Afrique ou au Vietnam, dans l'ancienne Indochine, ont témoigné du fait que c'est parce qu'on leur a parlé des droits de l'homme à travers Voltaire, Diderot, Rousseau ou les héritiers des Lumières qui ont été les Jacobins, ils doivent avoir une partie de leur engagement, une partie des instruments intellectuels qu'ils ont à cette mais si la radicalité des Lumières, c'est comme aujourd'hui, instrumentaliser les Lumières pour, par exemple, développer la haine de l'islam ou la haine des autres cultures, je crois que je ne suis pas client pour ce genre de réhabilitation. Eh bien, Daniel Lindenberg, merci. Je ne sais pas si tous les intellectuels sont devenus réactionnaires. Je vous laisse la responsabilité de vos propos. Une chose est sûre, il faut lire sans attendre votre essai, car toute dispute mise à part, il est bon que quelqu'un sonne le tocsin contre ce qui apparaît manifestement trop souvent en France, mais également dans une bonne partie du monde, comme une offensive pour saper les idées de progrès, je l'ai dit, de raison et d'humanité. Alors, je vous rappelle le titre de votre livre, enfin du livre de Daniel Lindenberg, Le procès des Lumières, il vient de paraître aux éditions du Seuil. Vous souhaitez plus de renseignements ou tout simplement nous écrire, eh bien notez l'adresse de l'émission id@rfi.fr. À la console technique cette semaine, Cyril Etienne, et puis à la réalisation, Marie-Noël Gindreau. Bonne lecture, très bonne semaine à tous.